Savez-vous que certains bébés sont allergiques au lait ? Aux protéines de lait de vache, plus précisément. Dans l'épisode « Les allergies alimentaires chez l'enfant » du podcast Parentalité, le docteur Karine Garcette, gastro-entérologue pédiatrique, répond à toutes les questions que se posent les parents. Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire ? Comment y faire face ? Quelles sont les alternatives au lait de vache ? Et comment organiser sa vie au quotidien avec un bébé allergique ? Cet épisode, réalisé en partenariat avec le laboratoire Modilac, vous donne toutes les clés pour vivre sereinement l'allergie aux protéines de lait de vache de vos enfants. Rendez-vous sur Parentalité. Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Super Ronfleur, une histoire écrite par Thomas. Vous avez déjà vu une paire de lunettes ? Ou bien deux doigts sur votre main ? Ou alors un crayon quatre couleurs ? Eh bien, Jeanne et Johan sont pareils que ces verres, que ces deux doigts ou que les couleurs de ce crayon. Ils sont inséparables. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle double J. Comme c'est souvent le cas avec les jumeaux, ils ne se quittent jamais. Et pourtant, malgré cette même chevelure frisée, ces mêmes yeux bleus et cette même envie de bouger en permanence, ils sont bel et bien différents. Jeanne, elle, adore peindre et cuisiner. Alors, quand elle doit étaler du beurre avec son pinceau pour faire dorer une tourte, elle est aux anges. Johan, lui, c'est le petit rigolo. Il a toujours une bonne blague à raconter. Ah, et il n'arrête pas de poser des questions. Sa mère lui dit souvent qu'il deviendra philosophe tellement il s'interroge sur tout. Ou enquiquineur de service. Ou philosophe enquiquineur. Au moment où je vous parle, les double J agitent leurs mains en direction de la voiture de leurs parents qui s'éloignent. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de triste là-dedans. C'est juste que les deux garnements voulaient venir passer une semaine chez leur grand-père préféré. Trop heureux de voir ses petits-enfants, le vieil homme a tout de suite accepté. Alors forcément, on pourrait se dire que garder deux minots aussi turbulents, ce n'est plus de l'âge d'un papy comme lui. Que nenni ! Le papy des double J est loin d'être un vieillard tremblotant dans sa chemise de nuit. C'est même tout le contraire. Mais vous devez promettre de ne pas le répéter. Promis ? Bon. Le pépé des double J est un super héros. Si, si, je vous assure, avec des pouvoirs, une cape, un masque et tout le tintouin. Papy, papy, tu peux encore nous raconter ton combat contre Dougie le clown ? Ou alors ton duel contre Cervellus, le génie du mal ? Ouh, quand Viliana t'a transformé en crapaud baveux avec ses formules magiques ! Je vais faire mieux que ça, je vais vous expliquer la fois où j'ai affronté Jaco, tête de taureau. Ah oui ! Allez, rentrons dans le QG. Eh oui, car je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais comme beaucoup de super-héros, Super Papy vit dans une base secrète cachée au milieu des bois. Là où il entrepose ses super voitures, ses super costumes et sa super piscine. Prêt à écouter l'histoire de leur grand-père, Jeanne et Johan s'installent confortablement dans la chambre qu'il leur a réservée. À grand renfort de gestes et de bruitages, Super Papy leur raconte son combat acharné contre Jaco, tête de taureau. Bras de fer dans les airs, coups de tête dans les gambettes, et le vilain finit aplati comme une crêpe. À la fin, les double J n'en reviennent pas. Ah, t'es vraiment le plus fort ! Mais comment tu fais pour veiller sur la ville tout le temps ? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Car j'ai beau être super rapide et super balèze, mon plus grand pouvoir est tout autre. C'est quoi ? Vous me promettez de ne rien dire, hein ? Promis ! Mon pouvoir le plus fou, c'est que je ne dors jamais. Waouh ! Même quand tu fermes les yeux ? Même quand je ferme les yeux. Même quand t'es fatigué ? Ça n'arrive jamais, sauf une fois tous les 4 ans, où je pique un petit somme pour recharger mes batteries. Et croyez-moi ou non, mais au moment où Super Papy termine sa phrase, il s'écroule par terre en poussant un ronflement plus tonitruant que le tonnerre. Oh, la bonne blague, t'imagines s'il dormait vraiment ? Ce serait pas de chance, hein ? Allez, papy, relève-toi maintenant. Papy ? Les enfants ont beau le secouer dans tous les sens, il n'y a rien à faire. Le vieil homme reste étalé sur la moquette à faire de petites bulles avec son nez. Bien embêtés, Jeanne et Johan décident d'appeler leurs parents. Mais au moment où la fillette veut prendre le portable de son pépé, 4 explosions retentissent. Les murs de la base tremblent, le sol se fissure et le toit sursaute. Malgré la trouille qui leur mange le ventre, les double J filent vers les écrans de vidéosurveillance installés dans le super poste de commandement. Oh, mais c'est... Doggy le clown. Et Servelus. Et Viliana. Et Jaco, tête de taureau. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh, ces affreux connaissaient le secret de papy et maintenant ils viennent se venger pendant qu'ils roupillent. Oh là là là là là là là là, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, ils se sont séparés pour lui mettre le grappin dessus plus rapidement. Oh, si on est suffisamment malin, je suis sûre qu'on peut les avoir par surprise. T'as raison. Grâce à papy, on connaît leur talon d'Achille. Mais préviens papa et maman quand même. Jeanne envoie un SOS à leurs parents et Joanne s'efforce de cacher Super Papy dans sa penderie. Dissimulé derrière ses paires de chaussettes et ses slips, le vieil homme est à l'abri. Il est temps d'affronter ces super vilains. Pour se défendre, Jeanne attrape un pinceau et Joanne empoigne son livre préféré, celui des 1001 interrogations. Peureux comme deux chatons devant une meute de chiens, ils se dirigent vers le méchant le plus proche, Doggy. Cet ancien clown de cirque est devenu complètement zinzin après qu'un trapéziste lui soit tombé sur la caboche. Depuis, il passe son temps à créer des gadgets horribles pour semer le chaos en rigolant comme un dément. C'est d'ailleurs son rire affreux que les enfants entendent juste avant de se retrouver face à lui. Jeanne brandit son pinceau pour l'intimider. Mais Doggy se bidonne de plus belle et jette un fumigène dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois plus rien. Moi, je vous sens et j'arrive pour vous chercher. Joanne, fais attention à toi. Jeanne, j'ai peur. Raconte une blague pour te changer les idées. Tu connais la blague du petit déjeuner? Non. Pas de bol. Doggy ricane. Pouf. Puis se met à se tordre de rire. Petit à petit, son rire se dissipe en même temps que la fumée. Quand il distingue à nouveau quelque chose, les double J voient Doggy étendu par terre, évanoui à force de s'être trop poilé. Vraiment bon public, ce clown. Jeanne et Joanne poursuivent leur chemin et arrivent dans la cuisine de la base. De l'autre côté, Viliana arpente le réfectoire à la recherche de Super Papy. Si elle nous voit, elle va nous jeter un sort. Je crois que j'ai une idée. Farine, œufs, chocolat. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire caramel au beurre salé, Jeanne confectionne un gâteau délicieusement appétissant. Discrètement, elle se glisse dans le réfectoire et le dépose sur une table avant de regagner la cuisine. Par le hublot de la porte battante, ils observent Viliana. En passant devant la pâtisserie, la vieille sorcière la fourre tout entière dans sa bouche. Joanne pousse un cri d'effroi en remarquant ses dents pointues comme des sabres. Viliana tourne la tête et les voit en train de l'espionner. À grandes enjambées, elle entre dans la cuisine. Alors les morveux, on veut jouer au héros comme Papy Dodo. Vous allez goûter à mon dernier... Le visage de la vieille devient aussi rouge qu'une groseille. Sa langue, qui pendouille sur son menton, semble avoir triplé de taille. De grosses gouttes de sueur roulent sur son front. Les double J profitent de la situation et la saucissonnent avec de la ficelle de gigot. Ben, qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai ajouté un petit ingrédient secret à mon gâteau. Du piment extra fort. C'est toi qui as extra sœurette. Sur l'écran situé dans la cuisine, Jeanne découvre avec horreur que Servelus se dirige droit vers la chambre où Super Papy fait sa sieste. Sans perdre une minute, les double J reviennent sur leurs pas. Mais si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez peut-être qu'un autre super vilain rôde dans les parages. Jaco, tête de taureau. Et c'est bien lui qui surgit à l'angle d'un couloir pour leur barrer la route. La créature mi-homme, mi-buffle a des muscles en acier qui pourraient les broyer d'une seule main. De la fumée sort de ses naseaux. Oh, il va charger. Sans être sûre de son plan, Jeanne se met à courir en provoquant la bête. Tête de taureau, tête de nigo, tête de taureau, tête d'idiot. Mais qu'est-ce que tu fais? Incapable de réfléchir, Jaco fonce sur elle. Avec son seul pinceau pour se défendre, Jeanne détale le plus vite possible et s'engouffre dans une pièce. Jaco la suit et la porte se referme derrière lui. Un vacarme infernal vient de la salle où Jeanne est enfermée avec le monstre. Soudain, un fracas plus violent que les autres fait trembler le couloir. Joanne est désespérée. Sa sœur doit se faire massacrer. Il se ressaisit et décide de voler à sa rescousse. Quand il entre, ses yeux s'écarquillent. Jeanne est toute souriante et derrière elle, Jaco a les deux cornes plantées dans un mur, incapable de bouger. Comment t'as fait ? Tu remarques rien ? En regardant autour de lui, Joanne se rend compte que la pièce est toute peinturlurée de rouge. Énervé par cette couleur, le taureau a foncé dessus encore et encore, jusqu'à se planter dans la cloison. « Allez, dépêche-toi, Servulus est peut-être déjà dans notre chambre !» Et Jeanne ne s'est pas trompée. Le plus intelligent des méchants a profité de cette diversion pour trouver la penderie de Super Papy. Dans sa main, Servulus tient sa dernière invention, un pistolet supralaser. « Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, les mioches un pas de plus et Super Papy se transforme en super débris. J'avais emporté ce vieux croulon avec moi pour le disséquer tranquillement. Si vous essayez de m'en empêcher, il va lui arriver des bricoles. Alors, je serai vous, je déguerpirai, hein, fils ? » Jeanne n'a plus d'idée. Elle se sent impuissante. Des larmes lui brûlent la vue. Joanne veut faire quelque chose, il veut sauver son grand-père. Mais que sait-il faire à part des blagues et questionner tout ce qu'il croise ? Il regarde le gros livre auquel il se cramponne toujours, celui des mille et une interrogations. Il se souvient alors d'une énigme qui a failli le faire tourner chèvre. « C'est bon, on s'avoue vaincu. Mais avant de partir, j'aimerais vous poser une question. Vous qui êtes un si grand génie, vous devriez pouvoir m'aider à y répondre. » « Les devinettes, les problèmes et l'école, c'est mon rayon. Alors oui, vas-y. Ensuite, oust !»« À votre avis, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier ?» Mais c'est facile, c'est l'œuf. Mais qui l'a fait, cet œuf ? Une poule. Alors c'est la poule qui est arrivée avant. Quoi ? Non. Attends, du coup, c'est... Ou alors, je... Mais non, c'est pas possible. C'est... Ou peut-être que... Le visage de Servulus se décompose. Pour la première fois, ce grand esprit est incapable de trouver la réponse. Il lâche son arme et s'assoit par terre, ses longs bras entourés autour de ses jambes. Il ne parle plus, ne crie plus, et se contente de fixer le vide. C'est à ce moment que Super Papy émerge de ses songes. « Eh bien, le sommeil m'est tombé dessus sans prévenir. Mais qu'est-ce que Servulus fait ici ?»« Oh là là, c'est une longue histoire. »« Mais avant ça, il y a un super ménage à faire !» Voilà, l'histoire est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello@telming.com. hello@telming.com. Et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Savez-vous que certains bébés sont allergiques au lait ? Aux protéines de lait de vache, plus précisément. Dans l'épisode « Les allergies alimentaires chez l'enfant » du podcast Parentalité, le docteur Karine Garcette, gastro-entérologue pédiatrique, répond à toutes les questions que se posent les parents. Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire ? Comment y faire face ? Quelles sont les alternatives au lait de vache ? Et comment organiser sa vie au quotidien avec un bébé allergique ? Cet épisode, réalisé en partenariat avec le laboratoire Modilac, vous donne toutes les clés pour vivre sereinement l'allergie aux protéines de lait de vache de vos enfants. Rendez-vous sur Parentalité.